Chapitre 8e. Depuis que Pierrot avait échoué dans la grande entreprise qu'il avait formée d'être pris pour domestique par Gaston, il était devenu de jour en jour plus triste. Les consolations que Margot lui avait données l'avaient satisfait un moment, mais cette satisfaction n'avait pas duré plus longtemps que les provisions qu'il avait emportées dans ses poches. Plus il pensait à sa chère Margot, plus il sentait qu'il ne pouvait vivre loin d'elle, et à dire vrai, la vie qu'il menait à la ferme n'était pas faite pour le distraire, non plus que la compagnie avec laquelle il passait son temps. Or, le jour même du désespoir de notre héroïne, il s'en allait rêvant le long de la rivière, chassant ses dindons devant lui, lorsqu'il vit, à une centaine de pas de distance, une femme qui courait à perdre haleine et qui, après avoir erré de côté et d'autre, disparut tout à coup au milieu des saules qui bordaient la rive. Cela le surprit et l'inquiéta. Il se mit à courir aussi pour tâcher d'atteindre cette femme, mais en arrivant à l'endroit où elle avait disparu, il la chercha en vain dans les champs environnants. Il pensa qu'elle était entrée dans un moulin qui se trouvait dans le voisinage. Toutefois, il suivit le cours de l'eau avec un pressentiment de mauvais augure. L'heure était enflée ce jour-là par des pluies abondantes, et Pierrot, qui n'était pas gai, trouvait les flots plus sinistres que de coutume. Il lui sembla bientôt apercevoir quelque chose de blanc qui s'agitait dans les roseaux. Il s'approcha, et s'étant mis à plat ventre sur le rivage, il attira à lui un cadavre qui n'était pas autre que Margot elle-même. La malheureuse fille ne donnait plus aucun signe de vie, elle était sans mouvement, froide comme le marbre, les yeux ouverts et immobiles. À cette vue, Pierrot poussa des cris qui firent sortir du moulin tous ceux qui s'y trouvaient. Sa douleur fut si violente qu'il eut d'abord l'idée de se jeter à l'eau à son tour et de mourir à côté du seul être qu'il eût aimé. Il fit cependant réflexion qu'on lui avait dit que les noyés pouvaient revenir à la vie s'ils étaient secourus à temps. Les paysans affirmèrent, il est vrai, que Margot était morte sans retour, mais il ne voulut pas les en croire, ni les laisser déposer le corps dans le moulin. Il le chargea sur ses épaules, et marchant aussi vite qu'il put, il le porta dans la masure qu'il habitait. Le ciel voulut que dans sa route il rencontrât le médecin du village, qui s'en allait à cheval faire ses visites aux environs. Il l'arrêta et l'obligea à entrer chez lui afin d'examiner s'il restait quelque espoir. Le médecin fut du même avis que les paysans. À peine eut-il vu le cadavre qu'il s'écria « Elle est bien morte, il n'y a plus qu'à l'enterrer. D'après l'état où se trouve le corps, il doit avoir séjourné sous l'eau plus d'un quart d'heure. » Sur quoi le docteur sortit de la chaumière et se disposa à remonter à cheval, ajoutant qu'il fallait aller chez le maire faire la déclaration voulue par la loi. Outre qu'il aimait passionnément Margot, Pierrot était fort obstiné. Il savait très bien qu'elle n'était pas restée un quart d'heure dans la rivière, puisqu'il l'avait vue s'y jeter. Il courut après le médecin et le supplia au nom du ciel de ne pas s'en aller, avant d'être bien sûr que ses secours étaient inutiles. « Et quel secours veux-tu que je lui donne ?» s'écria le médecin de mauvaise humeur. « Je n'ai pas un seul des instruments qui me seraient indispensables. »« Je les irai chercher chez vous, monsieur. » répondit Pierrot. « Dites-moi seulement ce que c'est et attendez-moi ici, je serai bientôt revenu. » Le médecin, pressé de partir, se mordit les lèvres de la sottise qu'il venait de faire en parlant de ses instruments. Bien qu'il fût convaincu que la mort était réelle, il sentit qu'il ne pouvait se refuser à tenter quelque chose sous peine de se faire tort dans le pays et de compromettre sa réputation. « Va donc et dépêche-toi, » dit-il à Pierrot. « Tu prendras une boîte de fer blanc que ma gouvernante te donnera et tu me retrouveras ici. » Je vais en attendant envelopper le corps dans ses couvertures et essayer des frictions. Tâche en même temps de trouver de la cendre que nous puissions faire chauffer. Mais tout cela ne servit à rien qu'à perdre mon temps, » ajouta-t-il en haussant les épaules et en frappant du pied. « Allons, entends-tu ce que je te dis ?»« Oui, monsieur, » dit Pierrot. « Et pour aller plus vite, si monsieur le veut, je vais prendre le cheval de monsieur. » Et sans attendre la permission du docteur, il sauta sur le cheval et disparut. Un quart d'heure après, il revint au galop avec deux gros sacs pleins de cendres, l'un devant, l'autre derrière lui. « Monsieur voit que je n'ai pas perdu de temps, » dit-il en montrant le cheval qui n'en pouvait plus. « Je ne me suis pas amusé à causer, je n'ai dit un mot à personne. Votre gouvernante était sortie et j'ai tout arrangé moi-même. »« Que le diable t'emporte, » pensa le docteur. « Voilà mon cheval en bon état pour la journée. » Et tout en murmurant tout bas, il commence à souffler, au moyen d'une vessie, dans la bouche de la pauvre Margot, pendant que Pierre lui frottait les bras. Le feu s'alluma. Quand la cendre fut chaude, ils la répandirent sur le lit de telle sorte que le corps y était entièrement enseveli. Le médecin versa alors quelques gouttes de liqueur sur les lèvres de Margot, puis il secoua la tête et tira sa montre. « J'en suis désolé, dit-il d'un ton pénétré, « mais il ne faut pas que les morts fassent tort aux malades. On m'attend fort loin, et je m'en vais. Si monsieur voulait rester encore une demi-heure, je lui donnerais bien un écu. Non, mon garçon, c'est impossible, et je ne veux pas de ton argent. Le voilà, l'écu, répondit Pierrot en le mettant dans la main du médecin sans avoir l'air de l'écouter. C'était toute la fortune du pauvre garçon. Il venait de tirer de la paillasse de son lit toutes ses économies, et le docteur les prit, bien entendu. « Soit, dit-il, encore une demi-heure, mais après cela je pars sans rémission, car tu vois bien que tout est inutile. » Au bout d'une demi-heure, Margot, toujours roide et glacée, n'avait pas donné le moindre signe de connaissance. Le médecin lui tâta le pouls, puis décidé à en finir, il prit sa canne et son chapeau et se dirigea vers son cheval. Pierrot, n'ayant plus d'argent et voyant que les prières ne serviraient de rien, suivit le médecin hors de la chaumière, puis il se posta devant le cheval avec le même air de tranquillité que le jour où il avait arrêté Gaston dans l'avenue. « Qu'est-ce à dire ? » demanda le docteur. « Veux-tu me faire coucher ici ?»« Nenni, monsieur, répondit Pierrot, mais il vous faut rester encore une demi-heure, ça reposera votre bidet. » En parlant ainsi, il tenait à la main un échalas et regardait de travers d'une façon si étrange que le médecin rentra pour la troisième fois dans la chaumière, mais cette fois il ne se contraignit plus. « Maudit soit l'entêté » s'écria-t-il, « ce garnement me fera perdre un louis avec ses 6 francs. »« Mais, monsieur, répliqua Pierrot, puisqu'on dit qu'on en revient au bout de 6 heures. »« Jamais, où as-tu appris cela ? Il ne manquerait plus que de passer 6 heures dans ton galta. » « Et vous les y passerez, les 6 heures, poursuivit Pierrot, ou bien vous me laisserez la boîte, les tuyaux et tout, sauf votre permission, et quand je vous aurai vu travailler encore une couple d'heures, je saurai peut-être bien m'en servir. » Le médecin eut beau se mettre en fureur, il fallut céder bon gré mal gré et rester encore 2 heures entières. Ce temps expiré, Pierrot, qui commençait à désespérer lui-même, laissa sortir son prisonnier. Il resta seul alors au chevet du lit, immobile, dans un morne abattement. Il passa ainsi le reste du jour, sans bouger, les regards fixés sur Margot. La nuit venue, il se leva et pensa qu'il était temps d'aller prévenir le bonhomme Piédeleu de la mort de sa fille. Il sortit de la chaumière et ferma sa porte. En la fermant, il crut entendre une voix faible qui l'appelait. Il tressaillit et courut au lit, mais rien ne remuait. Il jugea qu'il s'était trompé. S'en fut assez cependant de cet instant d'espérance pour qu'il ne pût se décider à quitter la place. « J'irai aussi bien demain, » se dit-il, et il sera si au chevet. En regardant attentivement Margot, il crut remarquer tout à coup un changement sur son visage. Il lui semblait que lorsqu'il avait voulu la quitter, elle avait les dents serrées, et maintenant ses lèvres étaient entr'ouvertes. Il s'empara aussitôt de l'instrument du docteur et essaya de souffler comme lui dans la bouche de Margot, mais il ne savait comment s'y prendre. Le tuyau ne s'adaptait pas bien à la vessie. Pierrot s'épuisait à souffler et l'air se perdait. Il versa quelques gouttes d'ammoniaque sur les lèvres de la malade, mais elles ne purent pénétrer dans sa gorge. Il eut de nouveau recours au tuyau, rien ne réussissait. « Quelle sotte machine » s'écria-t-il enfin lorsqu'il fut hors d'haleine. « Tout ça n'est rien, et ne fait rien qui baille. » Il jeta l'instrument, s'inclina sur Margot, posa ses lèvres sur les siennes, et dans un effort désespéré, soufflant de toute la force de ses robustes poumons, il fit pénétrer l'air vital dans la poitrine de la jeune fille. Au même instant, la cendre s'agita, 2 bras mourants se soulevèrent, puis retombèrent sur le cou de Pierrot. Margot poussa un profond soupir et s'écria « Je gèle, je gèle !»« Non, tu ne gèles pas, » répondit Pierrot, « tu es dans de la bonne cendre chaude. »« Tu as raison, pourquoi m'a-t-on mise là ?»« Pour rien, Margot, pour te faire du bien. Comment te portes-tu à présent ?»« Pas mal, je suis seulement bien lasse. » « Aide-moi un peu à me lever. » Le bonhomme Piédeleu et Madame Doradour, avertis par le médecin, entrèrent dans la chambre au moment où la noyée, à demi nue, nonchalamment penchée dans les bras de Pierrot, avalait une cuillerée d'eau de cerise. « Ah ça, qu'est-ce que vous venez me chanter ? » s'écria le bonhomme. « Savez-vous bien que ça ne se fait pas de venir dire aux gens que leur fille est morte ? Il ne faudrait pas recommencer, mille tonnerres, ça ne se passerait pas comme ça. » Il sauta au cou de sa fille. « Prenez garde, cher père, dit celle-ci en souriant. « Ne me serrez pas trop fort. Il n'y a pas encore bien longtemps que je ne suis plus morte. » Je n'ai pas besoin de peindre la surprise, la joie de Madame Doradour et de tous les parents de Margot qui arrivèrent les uns après les autres. Gaston et Mademoiselle de Vercel vinrent aussi, et Madame Doradour ayant pris le bonhomme à part, il commença à comprendre de quoi il s'agissait. Les conjectures qu'on avait faites trop tard avaient aisément tout expliqué. Lorsque le bonhomme eut appris que l'amour était la cause du désespoir de sa fille et qu'elle avait failli payer de sa vie son séjour chez sa marraine, il se promena quelque temps de long en large. « Nous sommes quittes, » dit-il enfin brusquement à Dame Doradour. « Je vous devais beaucoup et je vous ai beaucoup payé. » Il prit alors sa fille par la main et la mena dans un coin de la chaumière. « Tiens, malheureuse, » lui dit-il en lui montrant un drap préparé pour servir de linceul. « Prends ça. Si tu es une honnête fille, garde-le pour moi et ne t'avise plus de te noyer. » Il s'approcha ensuite de Pierrot et lui donnant une bonne tape sur l'épaule. « Parlez donc, monsieur, » lui dit-il, « qui soufflait si bien dans la bouche des filles ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on te le rende, cet écu que t'a donné le docteur ?»« Monsieur, s'il vous plaît, » répondit Pierrot, « je veux bien qu'on me rende mon écu, mais je ne veux pas davantage. » « Entendez-vous ? Non pas par fierté, mais c'est qu'on a beau n'être rien dans ce monde. » « Va donc, bêta, » répliqua le bonhomme en lui donnant une seconde tape, « va donc un peu soigner ta malade. » Ce gaillard-là lui a soufflé dans la bouche, mais il ne l'a pas seulement embrassée.